que j'ai pris, je ne l'ai pas volé. Ce que j'ai pris, je ne l'ai pas volé. Ne m'insulte pas de voleur. Je fais du vélo dans la ville voisine pour esquiver les contrôleurs. Viens sortir du concessionnaire. Je suis dans la chop, chop, chop. Viens sortir du concessionnaire. Je suis dans la chop, chop. J'ai traversé tellement d'horreurs. Aujourd'hui, je suis populaire. J'ai dernière classe, je roule en ville. Ma chérie met de la crème solaire. Ma présence voit 10 fois ton salaire. Je ne dis pas ça pour te salir. J'ai fait du sale et c'est sale ça. Pour me rapprocher du soleil. Alhamdoulilah, je suis en bonne santé, tout va pour le mieux. Ça m'insulte sur Twitter, je suis entêté, tout va pour le mieux. Lève ton verre, viens, on boit à ma santé, je veux toucher les cieux. Nique ta grand-mère, maintenant t'es prié de quitter les lieux. On cherche à investir dans le diamant, dans la pierre. Toi, tu ne fais que mentir, t'es un chauffeur Uber. Quand y'a un jet, tu tires direct dans les artères. Mais t'as oublié de dire qu'il fait chaud en enfer. Je mets du sang dans la chop, chop, chop. Chop, chop, chop, chop. Mets du son dans la chop, chop, chop. Mets les baillons, chop, chop, chop. Oh, je suis désolé, pour la monnaie j'ai du zone. Quelques jugements en attente, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Charbonneur j'ai jamais volé, je relève la tête et j'avance. Je vais grave dans vos soirées, tenez-vous qu'on c'est plus salut. Je dis pas à moi c'est salope, rien sort de parler. Un pas de plus et on salue mon cas, mes histoires à la parole. Et jamais couru à la forêt, dumb. Tu peux commencer si ta voix elle star. Nique la grand-mère, la totale il dumb. Je ne rebenais jamais fait la star. Je ne rebenais jamais fait la star. Ces fils de pute je leur apprends à star. Je me prends pour Vince devant le miroir. Pourquoi personne est dehors en temps de guerre. Déféré mon dadep, cellulaire trop d'appels. J'suis dedans, j'fume la verre. J'suis dehors, j'vois la verre. On cherche à investir dans le diamant, dans la pierre. Toi, tu ne fais que mentir, t'es un chauffeur Uber. Quand y'a un jeu, tu tires direct dans les artères. Mais t'as oublié de dire qu'il fait chaud en enfer. Mets du son dans la chop, chop, chop. Mets des bails en chop, chop, chop, chop. Mets du son dans la chop, chop, chop. Mets des bails en chop, chop, chop. BGP au cachot, ramène la conso. Tu veux la photo, je m'arrête en moto. Que des zigotos, là c'est Alontito. J'ai fait le mili sans jouer au loto. J'ai écrit, j'ai roulé avec des massas. La rue c'est nous, c'est chez nous, c'est la cassa. Fais ton TP, fais-moi partir le rouleau. Le gamin c'est sale, je le passe au rouleau. J'ai bu 3 days le samedi. J'ai les saoulés le mardi. Elle me voulait comme mari. J'ai raté le hlel le lundi. On se tire dessus à l'orbe. Parle pas chinois, parle en love. Mineur et déjà des histoires de drogue. Mineur et déjà des histoires de tort. Je rentre dans le check sans gros travers. J'trôle dessus, tu mourras à travers. Pisteur, j'te vois, tu veux poser le traceur. J'fais sortir le GTR, 5 étoiles, ta GTA. Barré, tu me cherches dans la ville entière. Demande à ta baby mama. On cherche à investir dans le diamant, dans la pierre. Toi, tu ne fais que mentir, dis un chauffeur Uber. Quand y'a un jeu, tu tires direct dans les artères. Mais t'as oublié de dire qu'il fait chaud en enfer.